ce temps-là, nous n'avions pas grand-chose, mais nous aimions ici nous retrouver. Comme un homme en colère, et par fierté, je t'ai laissé partir. Mais je voudrais, du fond de ma détresse, trouver les mots pour te faire revenir. Comme ça.